Les boycottés, T2Z, Agent V, Montreuil sous bois, Grand Pêche Pénère, Croix-Tchaf, de la Belgique à Paname. On a cru y arriver, ouais. C'est que le début, tu crois à l'arrivée. Ça fume le produit dérivé, faut délover avant d'être ripé. Si t'as kiffé, vas-y, hésite pas, mes replays. Comme ton ancien, j'ai un speed débridé. La paye, elle tombe, le compte va se débiter. Embrouille ma couille, la patate, faut l'éviter. Trop speed, trop nerveux, ouais, personne veut m'inviter. On s'en fout avec l'équipe, t'inquiète, on va s'incruster. J'suis pas là pour juger, j'fais pas lever les accusés. Me prends pas pour un clown, j'suis pas là pour t'amuser. Lumière tamisée, ambiance, une go with vite teintée. Gros, tu me verras pas pointé, j'préfère me poser et rapper. J'effrite le shit qui te couche, pas besoin de du karaté, je rappe et ferme ta bouche. Si t'es bon qu'à critiquer, les gens me regardent louche. Pourtant j'ai rien à me reprocher. Approcher, c'est des gros cachets qu'on veut empocher. J'ai voulu faire des sous, j'ai fini enfermé. On a tous pris des coups, on en a tous donné. On nous a trop trahi, on a trop pardonné. Ça fait des craries depuis la mort venait. On m'a trop trahi, ouais. Comment veux-tu que je pardonne? Ouais, la vie c'est pas drôle. Pour ma daronne, faut une villa et pas drôle. Si tu boucaves, tu feras fumer, boy, c'est pas de bol. Abraham n'a qu'une parole. Elle manque les banques des Picasso. J'perds mon temps et mon argent. Bref, j'me débrouille, ça j'ai pas d'argent, mec. Agent VO, Mac, tu connais. Pour les frères enfermés, de Fleury jusqu'au Beaumet. On progresse, on fait du rap, toi, touche dans tes fesses. Pas de cours de solfège, à pas de cours, je sauterai. Vos barrières et vos murs, j'ai de quoi les faire tomber. Si ta meuf t'a trompé, fous-la sur le côté. T'es qu'un ami raté sur qui on ne peut pas compter. Marre devant les mirades, donc comprends-tu que je suis un boycotté. J'ai voulu faire des sous, j'ai fini enfermé. On a tous pris des coups, on en a tous donné. On nous a trop trahi, on a trop pardonné. Ça fait des craries, depuis la mort venait.